and the City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présentée par Jérôme. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. C'est le mois de mai, le soleil est revenu et ça fait plaisir de se retrouver également dans cette émission pour vous présenter une petite demi-heure de musique comme chaque lundi, juste entre nous, comme ça, sans prétention aucune. Une émission qui va revenir sur des artistes d'exception aujourd'hui. Si je vous parle justement de la réunification du plus grand groupe de tous les temps, vous me répondrez que nous verrons ça en fin d'émission, c'est exact. Pour démarrer, un chanteur à la voix si douce que je ne peux m'empêcher de planer dès que je l'entends. Oui, la semaine dernière, Christophe Willem n'était pas la vedette de la chanson « Pourquoi tu t'en vas » puisque j'avais mis le focus sur Valérie Lemercier dans ce sublime duo. Non, ce soir, la tortue prend la place des maîtres de la cérémonie avec le titre « L'amour me gagne », dernier extrait de son album Prismophonique sorti en 2011. De la douceur, de la tendresse, des émotions, pour bien débuter dans Music and the City. Oui, j'ai plus d'un regret. Mais pourtant je sais. Évadez-vous sur Fadjet dans Music and the City. Le concours le plus emblématique d'Europe vient de se terminer. Bien sûr, je parle de l'Eurovision. C'est l'occasion dans cette émission de redécouvrir, même de découvrir un petit peu tout ce qui se fait chez nos voisins européens en termes de musique et de créativité, même si aujourd'hui Internet nous aide à avoir cet horizon qui s'ouvre à nous continuellement. Si cette année nous étions représentés par Madame Monsieur, qu'on embrasse, on ne peut pas dire que depuis Marie Myriam, ce fut vraiment la joie dans le pays francophone. En revanche, s'il y a une prestation que je conserve bien pour vous, ce n'est pas de chez nous. Non, ça vient d'Autriche. En 2014, Conchita Wurz, la femme à barbe, qui a explosé tout sur son passage avec une interprétation digne d'un show glamour des plus grandes salles de concert au monde. Faut dire que la chanson aurait pu s'accoupler très facilement avec un film à la James Bond. Oui, Rise Like a Phoenix, une chanson à redécouvrir maintenant dans Music and the City, et c'est toujours sur Fadjet. Walking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? If you're free, no one could have witnessed what you did to me. Cause you wouldn't know me today. And you have got to see, to believe. From the fading down, but Music and the City sur Fadjet. Hello, Samantha. And this is WCTA. Are you there? Call me. Une découverte signée Music and the City ce soir avec le nouveau single d'un jeune homme bourré de talent. Nous l'avions connu dans l'émission The Voice sur TF1, puis en révolutionnaire dans la comédie musicale 1789. Louis Delors revient aujourd'hui avec un titre très engagé sur la politique de notre civilisation, un peu trop porté sur les lois de l'argent, on le sait bien. Un petit côté humaniste sur une touche légère de pop électro à la française. « Le monde est à rendre » est un très très beau titre, que je vous propose de découvrir en semi-exclusivité sur Fadjet parce que c'est pas tout vieux, hein, c'est tout récent. J'essaie de comprendre, sans vouloir l'entendre, que le monde est à vendre, le monde est à vendre. On paye la moindre cendre, même sa fille aux jambes. Tout le monde est à vendre, le monde est à vendre. En avant les affaires, on va faire l'inventaire et courir en marchant. Payer le prix du sang. Tout le monde sur terre peut être millionnaire. Tout est question d'argent, mais l'argent n'est que du vent. Le monde n'est pas à vendre. Le monde n'est pas à vendre. Le monde est à vendre. Le monde est à vendre. Le monde n'est pas à vendre. Le monde n'est pas à vendre. Le monde est à vendre. Tes petits enfants veulent voir l'océan, mais le monde est aride. Oui, le monde est horrible. Qu'auront fait nos parents? Sûr à 200% de dépasser la ligne sans penser à la suite. Ils auront laissé faire ces grands trous dans la terre en tombant droit dedans, regardant droit devant pour empoisonner l'air, faire déborder la mer. Ils nous laissent l'argent, mais l'argent n'est que du vent. Le monde n'est pas à vendre. Le monde n'est pas à vendre. Le monde est à vendre. Le monde est à vendre. Le monde n'est pas à vendre. Le monde n'est pas à vendre. Le monde est à vendre. Le monde est à vendre. Music on the City vous fait découvrir des thèmes ensoleillés sur Fadjet. Je vais m'attaquer à un style musical que je ne vous ai pas encore présenté depuis la création de cette émission. Bon, après, vu l'hiver qu'on vient de passer et cette couche de nuages continuelle qu'on avait au-dessus de nos têtes, rien n'était vraiment propice à diffuser de la musique des îles. Enfin si, peut-être pour nous réchauffer un peu, peut-être, oui, j'aurais dû y penser. Bon bien, je vais rectifier tout ça avec le titre « Laisse parler les gens ». Quand en 2003, le chanteur Passy réunit un collectif d'artistes métissés, on a la chance de vivre la création de l'album « Dealer de Zouk », un excellent album. Laisse parler les gens donne le ton tout de suite dans son titre. Mais quand allons-nous arrêter de nous focaliser sur les candidats-t-on et vivre nos vies comme on l'entend, bon sang ? C'est bien beau de vivre en communauté, oui, mais bon, si chacun s'occupe de balayer devant sa porte, s'il vous plaît, ce serait quand même mieux. Un message très fort, porté par les voix de Jocelyne Labille et Sheila. Allez, on va aller chercher un peu bonheur, ma sœur. Je fais pas très bien l'accent antillais, mais on va quand même chercher bonheur. Hey yo! Ratatatatatatatataï! Yeah man! Special combination! Jocelyne Sheila! Original tone! Yeah man! Respect all time! Laissons parler les gens! Laisse parler les gens! Les artistes oubliés reviennent dans Music and the City. Bon, j'aurais pu choisir une musique un peu plus punchy parce que là, c'est une nouvelle qui a fait le tour du monde depuis quelques jours. Une nouvelle que nous avons attendue pendant 35 ans, messieurs dames, avec parfois de bons espoirs, mais très souvent une déception de ne pas l'avoir arrivée. Et pourtant, cette fois, ils ont enfin accepté. Parce qu'ils ont quand même refusé de chanter pour célébrer le nouveau millénaire, alors qu'on leur a proposé la modique somme $1 milliard en 1999. Je parle du groupe mythique ABBA, qui revient enfin sur le devant de la scène. Enfin, finalement, dont la chanson est bien appropriée, parce que façon de parler, en fait. Un peu déçu, parce que les quatre Suédois ont décidé d'accepter l'enregistrement de deux nouvelles chansons uniquement. Deux nouvelles chansons inédites qui apparaîtront à la fin 2018. L'une de ces chansons a déjà un titre. Ça s'appelle « I Still Have Faith in You ». Si nous avons aussi retrouvé la foi avec cette gigantesque nouvelle, sachez toutefois qu'aucun concert n'est prévu avec les membres du groupe, en chair et en os tout du moins. Une série de concerts serait prévue, mais ce serait sous forme d'hologramme que les membres ont décidé d'apparaître. Pff, maigre moment d'espoir finalement de les revoir en vrai interpréter les nouvelles chansons, puis les anciennes surtout. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, chers auditeurs de Fadjet et de Music and the City, de cette nouvelle qui était quand même inespérée. Alors, je vous pose la question, et Abba d'ailleurs va vous poser la question en musique. Voulez-vous ? Oh, Music in the City sur Fadjet. Une émission de plus qui se termine, ça passe vite quand même, ça va bientôt faire un an que cette émission existe. Justement, j'ai quelque chose à vous annoncer, il y aura très prochainement, vers fin juin à peu près, je vous donne pas encore de date, on en parlera la prochaine fois, quelque chose qui se prépare, une belle surprise. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission sur le podcast, avec le podcast, pardon, sur le Fadjet, le Facebook de Fadjet. Vous voyez, hein, je vous annonce une nouvelle et j'en perds mes mots. Fadjet-Music and the City sur Facebook, rediffusion également le samedi de 18h30 à 20h. Surtout, soyez nombreux! Je vous souhaite une très bonne soirée, à très bientôt. Tout du moins la semaine prochaine. Ciao!